Chapitre 9. Herzo. Le lendemain, en fin d'après-midi, Clémence put enfin avertir Louis que le soi-disant couple Van Aldervelt était très certainement des imposteurs au service du gouvernement belge collaborationniste qui avait remplacé Paul et Marie au sein de leur propre ferme. Elle avait également pu remettre à son père les précieuses notes prises par son nouveau copain au cœur du local technique. Ce dernier était angoissé à l'idée de devoir vivre avec des inconnus qui avaient pris la place de Marie et Paul Van Aldervelt, qu'il ne connaîtrait certainement jamais. Du reste, Louis et Clémence se demandaient ce qu'ils étaient devenus. Auraient-ils été arrêtés ou tués et pourquoi? Seul Léon, le père de Clémence, pouvait certainement leur apporter une réponse par son réseau de résistance basé à Mouscron, nommé Brigade Blanche. Depuis son transfert de la France vers la Belgique, Louis était tout de même satisfait de pouvoir enfin connaître la vérité sur les activités de cet homme fourbe et menteur qu'il côtoyait au quotidien et qui se faisait passer pour Paul. Malgré son jeune âge, Louis commença petit à petit à reconstituer cet immense puzzle, cet inextricable imbroglio dans lequel il était apparemment une des pièces les plus importantes. Avec l'aide de Clémence, et à l'instar d'un enquêteur de police, il commença à échafauder un scénario des plus probables qui serait très certainement confirmé par Léon. Louis avait enfin compris qu'en sa qualité de fils d'un couple de chefs de la résistance recherché partout en France, il était en résidence surveillée dans cette ferme tenue par des escrocs, des collabos au service des autorités belges et allemandes. Sans le savoir, il était en quelque sorte un jeune otage qui permettait à la Gestapo de Lille et Bruxelles de mettre la pression sur tous les réseaux de la résistance afin que ses parents Claire et Hubert Delbar puissent se rendre le plus vite possible. Ce couple de faux paysans, mais de vrais agents des services de renseignements allemands, avait été missionné non seulement pour surveiller Louis, mais également pour s'occuper de l'antenne en écoutant tous les soirs les messages de la résistance afin de tenter de les décrypter. Les notes récupérées par l'enfant dans le local technique venaient donc confirmer cette hypothèse. Si Louis connaissait assurément le rôle joué par le redoutable Kurt Kohls en qualité d'inspecteur principal de la Gestapo de Lille, il se demandait pourquoi le nom de Michel Denecker figurait à ses côtés sur cette interminable liste de contacts. Il commençait à comprendre l'implication de Michel, ce soi-disant grand frère, dans ce transfert de nuit vers la Belgique, qui était en fait une sorte d'enlèvement d'enfants programmé de longue date et non une action héroïque de la résistance. Michel était devenu le jouet de Kurt Kohls. Il était très certainement sous les ordres de cet ignoble personnage, accomplissant des actes de collaboration contre son gré en se faisant passer pour un jeune résistant. En effet, tout en jouant avec lui au 421, Kohls lui faisait du chantage au quotidien, tenant sa sœur Justine en otage sous les verrous de la prison de Loos, la menaçant de la peine capitale. À l'origine, Michel avait même été contraint de dénoncer sa propre sœur à la Gestapo, ainsi que les membres de son réseau, dont Hélène Van Aldervelt, dite sœur Rose, Prosper Rosellard, le passeur de frontière, et en dernier lieu, Paul et Marie Van Aldervelt, les parents d'Hélène, qui avaient vite été remplacés dans leur propre ferme par des paysans imposteurs spécialisés dans les transmissions d'ondes radio et les écoutes. Louis avait compris que tous ces noms soulignés en rouge dans le carnet de notes trouvé dans le local technique étaient très certainement des résistants que la police allemande avait arrêtés ou devait absolument neutraliser dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il avait même reconnu le nom de Justine Denecker, la sœur de Michel, et celui de ses propres parents. Louis ne pouvait plus rester cantonné au cœur de ce bourbier, cette ferme perdue en plein milieu de la campagne wallonne, qui était devenue pour lui une sorte de prison dorée, une résidence surveillée à distance par la Gestapo. Rester là à ne rien faire, ne pas agir, c'était faire le jeu de Kohls et de ses complices, qui continueraient assurément à utiliser cette immense antenne radio comme un piège à résistants. Louis avait enfin compris le petit manège de ces deux hommes, qui venaient régulièrement chercher auprès de ce soi-disant Paul des paquets de documents qui étaient certainement des informations codées émanant des messages de la résistance permettant de nombreuses arrestations des deux côtés de la frontière. Ce qui excitait Louis, c'était de savoir qu'il avait une longueur d'avance sur les nazis, en ayant découvert leur traquenard. Par la transmission de cet important document à Léon, le père de Clémence, concernant ses écoutes ou l'envoi de faux messages, il savait au fond de lui-même que le couple d'imposteurs, se faisant passer pour les Van Aldervelt, n'en avait plus pour très longtemps. Leurs jours étaient comptés. Maintenant, Louis devait agir en toute discrétion et continuer sa vie d'enfant naïf face à ceux qu'il ne considérait désormais plus comme ses grands-parents de cœur. Il fallait simuler et faire semblant au quotidien avant d'échafauder une stratégie de fuite pour rejoindre définitivement le domicile de Clémence et son père Léon, qui étaient ses seuls sauveurs et appuis. Louis était partagé entre toute l'affection qu'il ressentait au contact de celui et celle qui se faisait passer pour Paul et Marie Van Aldervelt et les documents ainsi que le témoignage de Clémence qui lui avait ouvert définitivement les yeux. Il ne supportait plus de la part de ce faux couple de paysans au service des nazis leurs mensonges et leur hypocrisie. Louis avait décidé de se ressaisir en participant à son échelle à tout acte de renseignement qui pouvait aider le père de Clémence et son réseau de résistants. Il était fier de pouvoir appuyer au quotidien les membres de la Brigade Blanche en les informant des faits et gestes de ce couple d'imposteurs. Du reste, ses partisans de la résistance belge préféraient ne pas intervenir et laisser pour l'instant le petit Louis leur donner le plus d'informations possible par le biais de Clémence concernant leurs activités de renseignement auprès de la Gestapo de Lille. Ce que Louis ne savait pas ou n'imaginait pas une seule seconde, c'était l'importance des documents qu'il avait transmis à Léon. Ce dernier connaissait enfin le rôle exact joué par ce couple infernal qui avait fait beaucoup de dégâts autour d'eux, et particulièrement dans les rangs des réseaux de résistance, tant en Belgique que dans le Nord. En décryptant toutes les émissions radiophoniques codées, envoyé par cette immense antenne du col de Luynes, Léon avait compris le lien qu'il y avait entre ces faux messages de la BBC et les nombreuses arrestations de résistants. En effet, la Gestapo avait tout simplement arrêté Paul et Marie Van Aldervelt, ces simples paysans qui, dès le début de la guerre, derrière leur simple rôle de gardien d'antenne-relais pour des diffusions radiophoniques, étaient de redoutables opérateurs de transmission en contact avec Londres. Après un interrogatoire musclé au sein des services de la ZIPO-SD de Bruxelles, les Allemands avaient réussi à leur soutirer tous les codes et toutes les informations nécessaires afin de continuer subrepticement à correspondre avec les Anglais. Ainsi, la Gestapo de Bruxelles, en lien avec celle de Lille, avait placé ce faux couple de paysans à la surveillance de l'antenne. Ces derniers continuèrent à agir comme des résistants, en se faisant passer pour Marie et Paul Van Aldervelt. Ces imposteurs avaient pu envoyer des centaines de messages, en simulant Radio Londres, afin de se faire parachuter des armes et de l'argent en provenance d'Angleterre. Par le biais de fausses annonces codées, ils organisaient même des rendez-vous auprès de résistants ciblés pour que ces derniers se fassent arrêter par la ZIPO-SD. Le petit Louis était devenu un héros malgré lui, puisque l'organisation de la résistance, la France libre, dirigée par le général de Gaulle à Londres, ne s'était jamais rendu compte du lien qu'il y avait entre cette antenne radio perdue dans la campagne belge, dont elle ignorait l'existence, et toutes ces arrestations, dont celle de Justine Denecker, la sœur de Michel, Prosper, le brave passeur, et Hélène, dite sœur Rose, la fille du vrai couple Van Aldervelt, qui était tombé dans ce redoutable piège. Les mois passèrent, et Louis fut dans l'obligation de continuer à jouer la comédie devant cet étrange couple d'usurpateurs d'identité qui poursuivaient tranquillement leurs activités agricoles tout en s'occupant en toute impunité de l'antenne radio. Cette année 1943 fut une période charnière de la guerre, puisque Clémence avait annoncé à Louis la défaite des troupes allemandes à Stalingrad et la capitulation de l'Italie. Lors de leur rencontre dans les bois, Clémence était fière de lui raconter les activités clandestines de son père Léon, qu'elle considérait comme un héros. En effet, ce dernier avait la responsabilité de coordonner les réseaux de résistance de plusieurs provinces belges. Derrière ses activités professionnelles en qualité de chirurgien-dentiste, il participait régulièrement à la réception de conteneurs de matériel suite à des parachutages britanniques nocturnes dans des prairies appelées Dropping Zone. Depuis le décès de son épouse avant la guerre, des suites d'une septicémie, Léon vivait seul avec sa fille dans un modeste château qu'il avait hérité d'une vieille tante. La grande et austère bâtisse, située à 3 kilomètres de l'antenne radio, était cachée par une rangée de chênes centenaires au milieu d'une plaine dans la campagne d'Herzau, en Belgique. Tous les soirs, de la fenêtre de sa chambre, Clémence pouvait observer la silhouette de cet immense monument de métal se dressant à l'horizon sur la crête d'une modeste colline, lui rappelant en permanence la présence de Louis. Le 29 décembre 1943, une nouvelle retentissante avait fait la une de la presse locale entre la France et la Belgique. En effet, on avait appris l'exécution dans un café du quartier de Wazem, à Lille, d'un certain Kurt Kohls, inspecteur principal de la Gestapo de Lille. Ce dernier avait été abattu par un résistant communiste lors d'une descente de la police allemande. S'ensuivirent des représailles et particulièrement l'arrestation de 800 résistants dans le nord Pas-de-Calais. Quelques jours après cet événement, Léon et les membres des Brigades Blanches prirent la décision d'organiser la fuite du petit Louis de la ferme dans laquelle il était maintenant retenu en détention depuis plus de 2 ans par le faux couple Van Aldervelt. Ils avaient récolté assez d'informations durant ces 2 années pour pouvoir enfin déjouer tous les plans machiavéliques des nazis. Clémence avait persuadé son père de pouvoir cacher l'enfant au sein du château qui avait miraculeusement été épargné par les réquisitions allemandes. L'opération quasi-militaire prévue le lundi 30 décembre 1943 devait se passer en douceur et surtout dans la plus grande discrétion. Comme à son habitude, après le petit déjeuner, Louis trouva un prétexte des plus crédibles auprès de Paul et Marie. En sa qualité de petit garçon poli et bien élevé, il leur proposa d'aller chercher du bois dans les forêts alentour, afin d'alimenter continuellement le poêle qui trônait au milieu de la salle à manger. Dans la neige, il quitta lentement la ferme et se dirigea vers le point de rendez-vous où habituellement, à la croisée d'un chemin menant vers le village de Dottigny, il rencontrait régulièrement Clémence. Comme convenu, cette fois-ci, elle n'était pas présente à l'attendre au milieu de la clairière. Elle fut remplacée par un vieil homme encapuchonné comme un gnome qui s'impatientait en trépignant dans une flaque d'eau gelée. À la vue de Louis, ce dernier tendit le bras sans dire un mot, lui prit fermement la main pour le rassurer et l'emmena brutalement au fond des bois. Après quelques minutes de marche dans la neige gelée qui craquait sous leurs pas rapides, ils purent rejoindre une allée forestière où quelques complices les attendaient dans une élégante berline de marque Imperia. Tout feu éteint, l'automobile emprunta aussitôt les contre-allées de ce bois en roulant au pas. Puis elle déboucha sur une longue route goudronnée qui traversait des prairies à perte de vue. Louis était assis à l'arrière du véhicule, coincé entre 2 grands gaillards affublés de vestes de cuir qui sentaient la sueur. Dans l'habitacle, on entendait le crissement des pneus sur le bitume verglacé. Un silence de plomb régnait au sein du véhicule qui, soudainement, à pleine vitesse, braqua et fit un dérapage des plus brusques, afin d'emprunter une longue allée bordée de vieux platanes. Au bout de celle-ci, il vit apparaître, comme par enchantement, l'imposant château à la façade blanche. Il s'agissait d'une grande bâtisse d'industriel du XIXe siècle, flanquée de 3 grandes fenêtres voutées au rez-de-chaussée et 3 autres plutôt rectangulaires au premier étage. Autour du bâtiment ceinturé d'un soubassement de pierres de Tournai se trouvait un immense parc garni d'arbres centenaires. Louis et les hommes, qui devaient certainement être des résistants, sortirent du véhicule sans dire un mot et gravirent énergiquement les grands escaliers de l'entrée où les attendait un individu de petite taille, coiffé d'un chapeau de tweed, tenant affectueusement par l'épaule une gamine presque plus grande que lui. Il s'agissait de Clémence et son père Léon, qui prirent aussitôt Louis dans leurs bras, l'accueillant avec la plus grande révérence. Ils remercièrent l'équipe de résistants qui reprirent la route à pied vers l'imposante grille du château en laissant sur place l'Imperia et invitèrent Louis à pénétrer dans le hall d'entrée de ce monument historique. Le jeune homme, transi de froid, enleva sa parka et se dirigea instinctivement vers la fastueuse salle à manger où une superbe cheminée de marbre style Louis XV permettait de se réchauffer à la lueur d'une flambée de bûches de chêne. Louis s'allongea comme un jeune chiot sur un tapis persan qui recouvrait le vieux parquet ciré. Le corps tremblant, il se roula en boule tout en observant fixement les flammes qui dansaient dans le foyer. Il était déjà comme chez lui, à la fois hypnotisé par le craquement du bois incandescent qui, régulièrement, dégageait des myriades d'étincelles, telles des feux d'artifice, le rassurant d'avoir enfin trouvé refuge chez Clémence. À pas feutrés, celle-ci s'approcha de lui et s'allongea à ses côtés sur la luxueuse carpette de soie recouvrant le sol. « Clémence, ah, mon cher Louis, c'est une immense joie de te savoir enfin en sécurité chez nous, et surtout à mes côtés. Louis, je ne sais pas comment vous remercier, toi et ton père. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et tous les risques que vous avez pris à m'extraire de ce piège. Permets-moi, Louis, de te présenter mon père. Bonjour, monsieur Duvillier. Un grand merci de bien vouloir m'héberger chez vous. Léon, tu es le bienvenu, mon petit Louis. C'est moi qui te remercie pour tous les risques que tu as pris au sein de la ferme en me donnant toutes ces notes écrites qui ont été extrêmement importantes pour mon réseau de résistants. Je te considère comme un jeune héros qui m'a aidé à déjouer les intentions néfastes des nazis. Si tu savais comme tu en as sauvé du monde en me donnant ces nombreux renseignements. Ah bon ? Pour moi, c'était tout simplement une sorte de jeu. Je m'ennuyais tellement à la ferme. Pouvoir accéder à ce local technique, plus secret qu'un blocus allemand, c'était pour moi un défi. C'est surtout votre fille, Clémence, que j'ai rencontrée par hasard dans les bois, qui m'a permis de vous communiquer tous ces étranges et incompréhensibles messages trouvés dans le local technique de l'antenne. Sans elle, je n'aurais jamais pu comprendre tout ce charabia et finalement agir efficacement contre l'ennemi. Oui, je le sais. Je suis également fier d'elle. C'est pour cela que je vous récompenserai tous les deux pour cet acte de bravoure que vous avez accompli avec courage. Non, monsieur Duvillier, je ne veux rien. La seule chose que je souhaite au plus profond de mon âme, c'est de retrouver mes très chers parents. Léon et sa fille Clément se regardèrent dans un silence qui en disait long et esquissèrent un sourire complice. Monsieur Duvillier fixa Clémence et d'un hochement de tête, tout en fermant les yeux, lui donna soudainement l'autorisation d'ouvrir les battants d'une grande porte dorée à la feuille qui donnait sur un minuscule boudoir. Il reprit la parole de manière solennelle. « Mon cher Louis, pour te faire oublier toutes les difficultés que tu as subies depuis plusieurs années, voici le plus beau cadeau que je puisse te faire actuellement. » De la pénombre de cet obscur salon sortit lentement un couple d'une quarantaine d'années, habillé élégamment, leur visage curieusement couvert d'un masque vénitien du XVIIIe siècle. Louis fut tétanisé à la vue de cet étrange et stupéfiant balai. La minuscule pièce exhalait une curieuse odeur de cigare qui, dans l'esprit du jeune garçon, lui rappela aussitôt son habitation tourquenoise, et particulièrement les coronas que fumait son père. Il comprit très vite à qui il avait affaire. Ces étranges et inquiétants personnages retirèrent lentement leurs masques et dévoilèrent leur véritable identité. Louis, ébahi par cette scène, digne d'un opéra comique, hurla de joie à la vue de ses parents. Bouche bée, il se demanda s'il s'agissait d'une apparition fantomatique, d'un rêve éveillé ou tout simplement de la réalité. Ses parents en pleurs à la vue de leur fils, abasourdis par cette surprise, se ruèrent sur lui et le serrèrent fortement dans leurs bras tout en l'embrassant. « Mon très cher fils adoré, quel bonheur de te revoir après tout ce temps passé !»« Maman, papa, vous m'avez tant manqué. Comment avez-vous fait pour me rejoindre ici au château ?» Hubert, le père de Louis, ému par tant de joie, prit la parole. « Comme tu le sais, mon cher fiston, nous avons dû fuir notre habitation, tout comme toi, pour ne pas être arrêtés. » Afin de déjouer la surveillance des services secrets allemands, notre réseau de résistance leur a fait croire que nous nous étions réfugiés dans le sud de la France, avec la complicité d'amis parisiens. « Moi aussi, je pensais que vous étiez dans le Midi, c'est ce que m'avait dit Madame Delpierre, notre voisine. Avec ta maman, nous avons finalement décidé de rester à proximité de toi et de nous réfugier ici, en Belgique, au château de Léon Duvillier, le père de Clémence, qui a bien voulu nous cacher. » « Je tiens une fois de plus à te remercier, cher Léon. Mais de rien, mon ami. Du reste, Louis, si tu as rencontré Clémence dans les bois, ce n'est pas vraiment par hasard, mais bien parce qu'elle a été envoyée par son père pour garder le contact avec toi. C'est comme cela que nous avons eu régulièrement de tes nouvelles. Papa, maman, vous êtes de vrais cachotiers. Claire. C'est promis, mon Louis. Nous ne te quitterons plus jamais. Du reste, ne t'imagine pas que nous t'avons abandonné. Nous avons fait cela pour te protéger. Et nous ne savions pas que Michel était un traître sous contrôle de Coles, qui manipulait Sœur Rose et Prosper pour pouvoir t'enlever et te placer en Belgique. Finalement, grâce à toi et à Clémence, nous avons compris que Paul et Marie, qui soi-disant hébergeaient dans leur ferme, étaient tes ravisseurs, au service d'un certain Coles, le chef de la Gestapo de Lille. Nous sommes maintenant persuadés que ces imposteurs, se faisant passer pour le couple Van Adervelt, travaillent pour le gouvernement belge au service des nazis. Ces derniers se servent de l'immense antenne radio du col de Luynes pour envoyer de faux messages de la part de Radio Londres afin de faire arrêter nos camarades résistants. Oui, maman, c'est ce que j'ai compris grâce à Clémence. Hubert, en agissant à distance au sein de ce château et grâce à l'aide de Léon Duvillier, nous avons pu fusionner nos deux réseaux de résistance, à savoir Alifrance et les Brigades Blanches. Ainsi, nous avons reconstitué un vrai réseau franco-belge. L'union fait la force. Louis, qu'allez-vous faire de Paul et Marie, ce couple d'imposteurs, qui doivent certainement me rechercher à l'heure où nous parlons? Hubert, nous devons les neutraliser et détruire l'antenne. En effet, il faut les empêcher de continuer à émettre de faux messages. Ce couple est dangereux. Ils nuisent à nos actions contre l'ennemi. Tant de personnes se sont fait arrêter à cause d'eux, et en particulier le vrai couple, Van Aldervelt, Justine Denecker, Hélène, dite Sœur Rose, et Prosper Heusaler, le brave passeur. Louis, et qu'allez-vous faire de Michel Denecker, que j'aime tant, malgré ses agissements? Hubert, ah, ce pauvre Michel, qui a été contraint de trahir sa propre sœur Justine, sous la pression de Coles. Avec la mort de ce dernier, il doit être libéré d'un certain poids. En tout cas, il ne jouera plus avec lui au 421. Mais sa conscience doit le travailler et l'empêcher de dormir chaque nuit. Si nous gagnons la guerre contre les Allemands, Michel sera jugé et devra tout de même répondre de ses actes de collaboration avec l'ennemi. Louis, comment allez-vous faire pour détruire l'antenne? Léon, cela ne te regarde pas, mon petit Louis, ne t'en fais pas. Avec ton père, nous allons agir au plus vite. Il faut également que nous puissions échafauder un plan d'évasion pour que Sœur Rose, Prosper et Justine puissent fuir cette foutue prison de Loos où ils sont toujours détenus. En attendant, toi et tes parents êtes certainement les personnes les plus recherchées en France et sur le territoire belge. Vous ne devez surtout pas quitter le château. Si les nazis débarquent ici pour le fouiller, je vous garantis que dans notre demeure, les souterrains sont légions et bien souvent introuvables. Certains datant du Moyen-Âge n'ont toujours pas été révélés. Louis, j'ai hâte de les découvrir, monsieur Duvillier. Je suis un passionné des vieilles pierres. Les murs de votre château doivent certainement contenir beaucoup de secrets, d'histoires et de légendes. Il n'est pas hanté, j'espère. Clémence. Mais non, Louis, nous n'avons jamais rencontré de fantômes chez nous. Ah, cela me rassure. Léon, chère Claire, Hubert, Louis, Clémence, il est temps de souper et que nous puissions nous reposer afin de nous remettre de tant d'émotions. Ce soir, c'est le réveillon du Nouvel An et nous fêterons ce moment familial et amical exceptionnel avec dignité, amour et en toute sérénité en mangeant une bonne dinde. Hubert, oui, encore un grand merci, très cher Léon. Jamais nous n'oublierons ce moment de retrouvailles avec notre fils Louis. C'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. Claire et moi-même te serons redevables durant toute notre vie. » Ils se mirent tous à table autour d'un copieux repas qui s'éternisa jusqu'aux aurores, puis regagnèrent les grandes chambres situées au premier étage du château pour une bonne nuit de sommeil. Ils laissèrent au rez-de-chaussée Clémence et Louis qui s'étaient assoupis dans un confortable divan de cuir jouxtant la cheminée de marbre rose en compagnie d'un colossal braque de Weimar qui monta la garde et surveilla attentivement les deux enfants. Le lendemain matin, Louis se réveilla le premier et vit Clémence allongée contre le chien de chasse à l'autre bout du canapé. Tous deux étaient plongés dans un profond sommeil. Dans l'imposante cheminée, les bûches s'étaient consumées toute la nuit et seules quelques braises éclairaient faiblement le foyer d'une lueur incandescente. D'un pas feutré et dans la plus grande discrétion, il monta les marches du majestueux escalier de chêne qui montait aux chambres situées à l'étage, afin de rejoindre ses parents. Toute la maisonnée était plongée dans un silence apaisant. Arrivé dans le couloir, il ouvrit lentement l'une des portes et vit dans la pénombre d'une des chambres ses parents, toujours dans les bras de Morphée, emmitouflés dans les draps d'un grand lit à baldaquin. Il fut aussitôt rassuré de leur présence au château. C'était pour lui comme un rêve. Louis tira soudainement un lourd rideau qui occultait l'une des fenêtres donnant sur le parc. Il l'ouvrit en forçant brutalement la crémone et accéda à un balcon dominant l'immense jardin. Pieds nus dans la neige, il se mit à faire quelques pas et observa à l'horizon l'imposante antenne radio qui, de ce point de vue, ressemblait à une fragile brindille de paille. Il contempla ce magnifique panorama couvert d'un manteau blanc et se remémora les deux années passées à la ferme en compagnie de ce couple d'imposteurs qui avait dû alerter les autorités belges et allemandes afin de le retrouver au plus vite. Du reste, on entendait au loin, provenant de la ferme d'en haut, les allées et venues des camions de la Wehrmacht en pleine manœuvre et l'aboiement incessant de bergers allemands surexcités par les ordres de leurs maîtres casqués. Cette effervescence toute germanique venait rompre le calme de la paisible campagne wallonne. Louis avait devant lui la preuve qu'il était bel et bien recherché par les nazis, comme un bien précieux. Il devait absolument prévenir ses parents, ainsi que Léon et Clémence, dès leur réveil. Cette zone rurale devenait dangereuse, et des hordes de brigades canines quadrillaient déjà les champs et les bois alentour. L'aboiement des chiens retentissait de plus en plus, au point que le braque de Weimar se mit à répondre d'un ton rauque à ses congénères, réveillant soudainement Clémence, Léon, Claire et Hubert. Une compagnie allemande n'allait certainement pas tarder à débarquer au château. Il fallait faire vite. Dans l'urgence de la situation des plus critiques, Léon et Clémence guidèrent rapidement Louis et ses parents vers un panneau de lambris décoratif qui s'ouvrit devant eux comme par enchantement en actionnant une discrète tirette de métal dissimulée entre deux livres de la bibliothèque. Ils s'engouffrèrent dans un étroit et sombre passage donnant sur un étrange boudoir au mur capitonné d'édredons remisés, servant à étouffer le moindre son. Léon referma cette cachette exiguë comme un écrin, contenant ce qu'il avait de plus précieux, à savoir ses amis. À l'autre bout du parc, la cloche du portail se mit à tinter, et Léon enfila sa gabardine et ses bottes afin d'accueillir ses visiteurs qui n'étaient pas vraiment les bienvenus. Il courut dans l'allée couverte de neige et vit à travers les grilles deux soldats et leurs chiens tenus en laisse. « Bonjour, messieurs, quel est l'objet de votre visite? Je ne travaille pas à mon cabinet aujourd'hui, sauf pour les urgences dentaires. » L'un des soldats prit la parole avec un fort accent allemand. « Bonjour, docteur Duvillier. Excusez-nous de vous déranger en ce lendemain de réveillon, mais nous cherchons un jeune enfant qui a fugué. Il était logé là-haut, sur la colline, à la ferme du couple Van Aldervelt, et a soudainement disparu depuis quelques jours. C'est très inquiétant. Vous ne l'avez pas vu dans les parages ?»« Non, absolument pas. Et si je l'avais aperçu dans ce froid glacial, je l'aurais immédiatement signalé aux autorités, ou tout simplement abrité, afin qu'il ne tombe pas malade. »« Ah, très bien. Merci, docteur Duvillier. Excusez-nous de vous avoir dérangé si tôt ce matin. » Les deux hommes rebroussèrent chemin et s'éloignèrent du château, tandis que Léon Duvillier retrouva Clémence, qui était à la cuisine en train de préparer un lait chaud, tout en coupant une miche de pain. Il se dirigea vers le panneau décoratif qui garnissait l'un des murs de la salle à manger, frappa trois coups pour prévenir et rassurer la famille d'Elbar, puis il actionna la targette, libérant immédiatement ses convives, apeurés par la visite des soldats allemands aux abords du domaine. Ils sortirent un par un comme des lièvres nichés dans leur tanière et s'installèrent sans dire un mot autour de la grande table ovale de style Napoléon III qui était éclairée par deux candélabres de bronze. Il fallait surtout rester discret et ne pas allumer le grand lustre de cristal qui surplombait la vaste pièce de vie afin de ne pas attirer l'attention d'un quelconque intrus autour du château. Malgré cette période difficile qu'ils subissaient au quotidien, ils se souhaitèrent tous et toutes sans beaucoup d'enthousiasme une excellente année 1944, en espérant au plus vite la fin de cette foutue guerre qui minait leur morale et les mettait en danger à chaque instant. Après ce copieux petit déjeuner, Léon, Claire et Hubert se retirèrent dans une pièce appelée le fumoir, tout en demandant aux enfants de les laisser. Il s'agissait pour eux de se retrouver entre résistants, et de pouvoir organiser les prochaines actions les plus urgentes. Clémence et Louis s'éclipsèrent, mais restèrent malgré tout à proximité de cet étroit boudoir afin d'essayer d'entendre des bribes de conversation. En effet, Léon avait oublié de refermer l'épaisse porte de chêne massif, rendant audibles leurs échanges. Les enfants, affalés dans une banquette, firent semblant de lire religieusement quelques missels qui traînaient sur un petit guéridon et écoutèrent en toute indiscrétion les propos de leurs parents dans l'entrebâillement de la porte. « Léon, cher Hubert et Claire, en premier lieu je dois vous annoncer une bien triste nouvelle. Paul et Marie Van Eldervelt, les parents de Sœur Rose, qui étaient incarcérés à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, ont été déportés à Auschwitz. Nous n'avons malheureusement rien pu faire pour eux. Quant à Justine Denecker et Prosper Heusaler, le passeur, ils sont toujours enfermés à la maison d'arrêt de Loos. La seule nouvelle réjouissante, c'est la libération par les nazis d'Hélène, dite Sœur Rose, la fille du couple Van Eldervelt, grâce à la pression de l'évêché de Lille. En effet, condamner à mort une innocente religieuse renvoyait une image désastreuse des autorités allemandes vis-à-vis des habitants de la région lilloise profondément catholique. On se méfie tout de même de cette décision, car il est possible qu'il l'ait relâchée afin de surveiller tous ses faits et gestes, et remonter ainsi vers nos réseaux de résistance. Hubert. Oui, ce sont des pourris qui échafaudent sans cesse des plans machiavéliques pour nous retrouver. Que peut-on faire pour Justine et Prosper ? Léon. Pas grand-chose pour l'instant. Même si certains geôliers français font partie de nos réseaux, les soldats allemands sont en plus grand nombre, et une tentative d'évasion se solderait par des exécutions sans sommation. En second lieu, j'ai une information importante et secrète à vous annoncer. Claire. De quoi s'agit-il exactement, Léon ? Léon. Eh bien, il s'agit de l'opération Fortitude. Avez-vous entendu parler de cette stratégie militaire au sein de votre réseau ? Claire et Hubert répondirent presque en chœur par la négative. Léon. Je vais vous expliquer. Actuellement, les Anglais et les Américains préparent un débarquement sur les côtes françaises afin d'en finir avec les nazis. Les Allemands sont au courant que les Alliés préparent cette opération de grande ampleur et restent persuadés que ces derniers débarqueront dans le Pas-de-Calais. C'est pour cela que le maréchal Rommel a installé son quartier général à Vimereux, dans l'hôtel de la Cloche, situé face à la plage. Il a surtout renforcé le mur de l'Atlantique par la construction de centaines de blocos sur la côte d'Opale, entre Boulogne et Dunkerque. Il a également ordonné d'installer des mines marines sur tout le littoral. Claire. Ah, je comprends maintenant pourquoi le commandement de la 15e armée allemande est venu également se réfugier en nombre à Tourcoing, dans des blocos construits curieusement dans les jardins de certaines belles propriétés d'industriels, entre l'avenue Gambetta et le boulevard de la Marne. Léon. Oui, Tourcoing est un poste de commandement stratégique important, et une manière pour eux d'assurer leurs arrières par des renforts en cas d'invasion des Anglais et des Américains. De plus, les Allemands bombardent actuellement l'Angleterre par le lancement de fusées V2 à partir des bases d'Erfaux-Wisern et des Perlec, près de Saint-Omer. Claire. Des Américains ? Léon. Oui, Claire, tu as bien entendu. Les Américains sont sur le pied de guerre pour nous aider à libérer la France. Toutes leurs armes et matériels sont déjà sur le territoire anglais. Hubert. Où vont-ils débarquer exactement ? Léon. Curieusement, dans la Somme ou en Normandie. Surtout, promettez-moi de garder cette information dans le plus grand secret et de ne pas la divulguer. Claire. Oui, pas de problème, Léon, tu connais notre discrétion. Mais au fait, la Normandie est très éloignée de l'Angleterre, contrairement au Pas-de-Calais. Léon. C'est pour cela que les Allemands sont fixés sur le Pas-de-Calais et obnubilés par ce secteur, dont le détroit est très proche des côtes anglaises. En revanche, pour les Américains, l'effet de surprise doit être maximal. Claire. C'est une bonne stratégie, mais très risquée, car il faut pouvoir traverser la Manche avec beaucoup de matériel militaire, dans de bonnes conditions météorologiques. Léon. C'est exact. Hubert. Mon cher Léon, en quoi pouvons-nous être utiles à notre petit niveau dans cette opération ? Léon. Il faut que nos réseaux de résistance trompent l'ennemi et fassent croire aux Allemands qu'un débarquement est imminent dans le Pas-de-Calais par l'envoi de faux messages, afin de retenir le gros de leurs troupes dans notre région. C'est pour cela que dans quelques jours, c'est-à-dire entre le 6 et le 9 janvier 1944, la base de radioguidage des V2 à Préfedin près d'Arras va être bombardée. Les Allemands vont croire aux prémices d'une intervention militaire de grande ampleur sur nos plages. De notre côté, il faut que nous puissions avertir Londres de la dangerosité de l'antenne du col de Luynes qui doit être détruite au plus vite. Pour cela, nous devons envoyer des messages par ondes radio et actuellement nous n'avons aucun moyen technique pour le faire à si grande distance, à partir du château. Hubert, quelle est la solution ? Léon, une seule issue me vient à l'esprit, le réseau de résistance Mithridate, basé dans le Pas-de-Calais, qui à partir d'avril 1944, c'est-à-dire dans 3 mois, va recevoir un soutien logistique de la part des Anglais par des parachutages de nouveaux postes radio nommés Ayesha, permettant de communiquer avec Londres en phonie et plus en morse afin de ne pas être détecté. Hubert, super, la London Controlling Section, cette organisation ultra-secrète va enfin pouvoir nous aider. Léon, oui. La portée maximale d'un poste de petite taille est de 250 km de rayon, et c'est Frédéric Donnet, alias La Flèche, qui est le chef de cette mission. Je vais pouvoir le rencontrer au plus vite dans le Pas-de-Calais. Il devra tester l'appareil chez lui, à Renescure, près de Saint-Omer, avec ses amis Michel Stoven et Rogatien Gauthier, alias Roddy. Ils se connecteront pour la première fois avec Londres le 20 avril, avant une communication plus importante le 19 mai. Leur but est de déployer un réseau important de postes émetteurs-récepteurs radio sur toute la frontière belge. Et notre château est bien situé pour en recevoir un. Claire, super nouvelle, mais où vas-tu le planquer ? Léon, tout simplement dans notre grenier, au-dessus de la chambre de Clémence. Hubert, concernant ce projet d'installation de ce poste radio, je pense qu'il faut tout de même la prévenir, ainsi que mon fils, Louis. Maintenant, ce ne sont plus des gosses, mais des adolescents impliqués dans nos actions de résistance. On ne va pas faire la même erreur que cette personne qui se faisait passer pour Paul Van der Velt, empêchant Louis d'accéder au local de l'antenne du col de Luynes. Malgré son jeune âge, mon fils avait fini par découvrir le machiavélique stratagème. Léon, oui, je vais les appeler. Ils doivent être au salon ou dans leur chambre. Léon Duvillier sortit du boudoir et fut surpris de découvrir en flagrant délit d'espionnage Clémence et Louis qui faisaient semblant d'être concentrés et plongés dans leur petit livre liturgique. « Eh bien, mais que faites-vous là dans ce corridor glacial ? Vous allez attraper froid dans tous ces courants d'air. Ne me dites pas que vous écoutiez à la porte toutes nos conversations, petit chenapan. Je savais que les murs avaient parfois des oreilles, mais je ne pouvais pas envisager une seule minute que nos propres enfants soient si curieux de nature. Allez, venez avec moi, entrez dans la pièce. » Tout penaud et gêné d'avoir été surpris, Clémence et Louis, tête baissée, entrèrent sans dire un mot. D'un ton sévère, Hubert les sermonna. « Alors on écoute aux portes maintenant. Le seul avantage de cette pratique, c'est que maintenant vous savez tout. On n'a plus à vous répéter le déroulement des événements. Je vous demanderai qu'une seule chose, c'est de tenir votre langue et de ne parler à personne des informations que vous venez d'entendre. Vous avez maintenant sur vos épaules une lourde responsabilité. La vie de nombreux hommes et le cours de l'histoire en dépendent. Nous vous faisons entièrement confiance, et jusque-là, vous nous avez prouvé que vous étiez totalement impliqué à nos côtés dans nos actions de résistance contre l'ennemi. » En entendant ces propos encourageants, Louis et Clémence relevèrent la tête avec fierté, en esquissant un immense sourire. « Hubert, comme vous l'avez entendu, quand nous recevrons ce nouveau poste radio permettant de prévenir Londres, je vous nommerai les nouveaux gardiens des ondes. Vous aurez ainsi l'opportunité de surveiller en permanence, jour et nuit, ce nouveau matériel dans le grenier, en faisant des rondes et en contrôlant les abords du château. » Les deux jeunes acquiescèrent d'un hochement de tête et se sentirent soudainement investis d'une mission de la plus grande importance. Tous ces événements des plus dramatiques qu'ils vivaient les avaient rapprochés au point que des sentiments nouveaux les unissaient à travers une attirance réciproque. Louis et Clémence ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Dans la tragédie de leurs jeunes années, ils avaient développé une dépendance affective qui allait au-delà d'une simple amitié. Mais leurs parents n'avaient toujours pas perçu ce lien étroit qui composait l'essentiel de leur complicité, muée en un amour naissant.